Dans le cadre de la 36e édition du Téléthon qui va se dérouler ce vendredi 2 et samedi 3 décembre, Radio Couleur Chartreuse donne la parole au coordinateur, bien sûr pour faire le point sur les manifestations et la recherche, mais donne aussi la parole à des personnes atteintes de maladies. Et notre invité du jour, c'est Johan Tournier. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, on va donner quelques chiffres un petit peu comme ça pour les auditeurs. Il faut savoir qu'en 2021, près de 80% de l'argent récolté a servi pour des missions sociales, pour de l'aide aux familles ou encore pour de la recherche. Voilà pour quelques infos pour nos auditeurs. Alors, Johan, parlez-nous un petit peu de vous. De quelle maladie êtes-vous atteint et quelles sont ses caractéristiques? Alors, du coup, moi, je m'appelle Johan, j'ai 34 ans. J'ai une maladie neuromusculaire. C'est la Charcot-Marie-Tooth de type 2S. Puisqu'il y a beaucoup de variants, un peu comme la Covid. Il y a énormément de sortes et des caractéristiques différentes sur les CMT qui atteignent bon, pour la plupart les nerfs et les muscles. Moi, c'est une atteinte sur les quatre membres, principalement sur les membres supérieurs, donc les bras, les épaules et aussi les chevilles et les genoux. Donc là, je parle plus d'articulation, mais c'est vraiment une atteinte au niveau musculaire. C'est une maladie neurologique qui atteint donc principalement les nerfs, et ce qui amène à une atrophie musculaire puisque le cerveau envoie un message qui normalement est relayé par les nerfs, mais les nerfs ne fonctionnent pas très bien chez moi, le muscle n'a pas l'information et au fur et à mesure il cesse toute activité. Alors est-ce que vous avez été diagnostiqué il y a longtemps ? Oui, mon diagnostic vis-à-vis des symptômes a été effectué en 2002 sur Paris et le diagnostic via le gène qui a été trouvé à Lyon par le professeur Latour, puisqu'à Lyon, il y a une équipe de chercheurs qui est vraiment très performante, en 2017. Très bien, oui, donc c'est assez récent, mine de rien, tout ça. Justement, les avancées, les recherches du Téléthon, ça vous a directement aidé quand même? Oui, oui, tout à fait. C'est sur l'année 2016 où il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en termes de recherche et de développement, ce qui a permis, ben, pour plusieurs personnes, moi compris, de pouvoir avoir un diagnostic via la détection du gène qui était malade. Et du coup, ça a déclenché beaucoup de choses par la suite, puisque beaucoup de personnes ont pu être identifiées porteurs de CMT sur les différents sigles par la suite. Ça dépend le sigle qu'on a. Sur la CMT 1A, par exemple, il y a déjà des tests, des essais cliniques qui sont en place sur le troisième stade. Donc, de pouvoir être identifié sur le gène, ça permet par la suite de pouvoir prétendre à des essais cliniques suivant les avancées sur la recherche. Et c'est vraiment bénéfique. Très bien. Alors, pour votre variant, si on peut les appeler comme ça, sur le vôtre, il a été identifié du coup? Il a été identifié, mais pour l'instant, il n'y a pas de traitement qui a été mis en place. D'accord. Donc, je suis encore un peu en stand-by. Les seuls traitements pour lesquels j'ai un bénéfice, c'est la rééducation. Donc, j'ai une séance toutes les semaines avec mon kinésithérapeute en libéral. Et du coup, je travaille bien avec lui, et ce qui permet de consolider un petit peu les acquis qu'on a vis-à-vis de l'avancée de la maladie. Donc voilà, ça c'est pour vraiment la gestion dans votre quotidien. C'est ça. C'est vrai qu'on peut rappeler aux auditeurs également la création du Généthon hein, en 90. Et grâce aux dons, encore une fois, aujourd'hui ce laboratoire, c'est l'un des leaders mondiaux de la thérapie génique pour les maladies rares. Des chercheurs et experts du Généthon, il y a aussi les équipes du Royal Holloway de Londres qui ont mis au point un traitement de thérapie génique pour restaurer la force musculaire des malades. Donc un essai clinique a même démarré l'an dernier. Donc c'est pour vous montrer, amis auditeurs, auditrices, que vos dons, ça sert vraiment à quelque chose. C'est vraiment du concret. Donc bah, on espère qu'au niveau de votre variant de cette maladie neuromusculaire, Johan, bah, voilà, ils finissent par trouver ce qu'il faut et qu'ils arrivent à mettre en phase quelque chose pour vous soigner en tout cas. Moi aussi, on croise les doigts. Bah oui, c'est ça. Alors du coup, vous êtes effectivement atteint de cette maladie, mais ça ne vous empêche pas d'avoir une vie sociale et de travailler, d'avoir un emploi. D'ailleurs, racontez-nous un petit peu ce que vous faites dans la vie. Oui, effectivement, le handicap m'empêche pas d'être intégré dans la société. J'ai un emploi dans une entreprise adaptée à la Ravoir, la Scopnea. C'est une entreprise adaptée multi-activité. Moi, je suis sur la partie graphique, imprimerie. Je suis à l'administration des ventes, donc je m'occupe de tout ce qui est devis, suivi de fabrication et facturation. Et je fais aussi pas mal de sport. On aura les Jeux Olympiques en 2024 à Paris. Il y a aussi les Jeux Paralympiques qui seront à Paris, donc le sport pour les personnes en situation de handicap existe, et moi je fais beaucoup de vélo en tandem avec mon père, et je fais aussi beaucoup de natation. Oui, alors justement, voilà, ça n'empêche pas d'être un petit peu sportif. Et justement, la perche, merci de me l'avoir tendue, parce que bon, vous êtes effectivement atteint d'une maladie, mais vous êtes aussi organisateur d'une manifestation. Vous avez été organisateur d'une manifestation, organisation d'un triathlon, c'est ça ? Oui, tout à fait. Le 4 septembre dernier, on a réalisé une animation pour Téléthon. Ça me tenait aussi à cœur de faire ça pour le Téléthon, puisque je peux pas être que consommateur du Téléthon. Il faut aussi que moi, je mette, être acteur. Que je me mette en avant aussi, exactement, que je sois acteur. Et du coup, avec l'aide de Julien de l'agence COA et Nathalie de la coordination départementale du Téléthon, on a créé cette animation. C'était un triathlon. Donc, sur le format olympique, donc c'est 1,5 km de nage, 40 km à vélo et 10 km à pied. J'en ai eu pour 9h30, 10h. La partie natation s'est faite sur la baie de Mémar, au nord d'Aix-les-Bains. La partie vélo, je l'ai faite en tandem avec mon père et une trentaine aussi d'amis qu'on a en commun. Et du coup, ça, c'était vraiment cool de pouvoir créer un tel engouement. Donc la partie vélo, c'était sur Aix-les-Bains jusqu'à Chambéry, en passant par la Motte, Viviers-du-Lac, et en arrivant jusqu'à Technolac. Et les 10 derniers kilomètres à pied, même si c'était la partie la plus longue pour moi, se sont faits donc de Technolac jusqu'au phare. Et devant le phare, on était à peu près 130 personnes qui m'ont accueilli pour me féliciter et participer à cette animation qui a été vraiment magnifique. Super festif, super convivial. Ouais. Et c'était vraiment le but de faire quelque chose de convivial. Par contre, je m'attendais pas à ce que ça prenne une telle ampleur. On a été une vingtaine à nager, une quarantaine à faire du vélo. Et à un moment, on était près de 60 sur la piste cyclable pour la partie marche. Et on était à peu près 130 à l'arrivée. Donc, il y a eu un tel engouement. J'en ai encore des lumières dans les yeux, tant c'était magnifique. Et le but, c'était vraiment de récolter de l'argent aussi pour le Téléthon. Donc cette manifestation, via des partenaires privés, via aussi des dons sur une cagnotte en ligne qui a été créée, on a réussi à récolter près de 6800 euros. Donc c'est vraiment magnifique. Bah bravo à vous et à toutes ces personnes. Alors moi, je pense que j'aurais même pas fait un tiers de ce que vous avez réalisé, franchement. Donc un super grand bravo. C'était la première édition du coup là du triathlon, Joanne ? C'était la première et ce sera sans doute la dernière parce que c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué pour moi. Ouais. Je voulais me challenger sur ce type d'effort et par contre, je vais continuer à me challenger. L'an prochain, j'ai déjà pris date pour effectuer la traversée du lac du Bourget dans la longueur. Donc, c'est 18 km et je continue à me préparer et je serai prêt du coup pour le 9 septembre 2023 pour effectuer ces 18 km. Oui, voilà, ça ne vous a pas arrêté. Un autre défi, voilà, vous attend. Bon courage, en tout cas, bon entraînement. Merci beaucoup. Eh ben, on va rappeler évidemment le numéro que tout le monde connaît maintenant au niveau des auditeurs-auditrices, mais je vous laisse le rappeler quand même. Le 36-37. Et vous pouvez faire des dons également sur le site internet du Téléthon, don.téléthon.fr. Et puis vous pouvez aussi aller, surtout c'est ça qui est sympa, dans les différentes manifestations organisées. On en parlait avec John il y a quelques instants avec le triathlon, avec cette solidarité, avec ce rassemblement de personnes, c'est communicatif. Donc venez rencontrer les manifestations dans vos villes, dans vos villages pour participer en direct à tout ça. Et je vous rappelle qu'on sera justement en direct, nous, à la Maison des Associations à Saint-Laurent-du-Pont ce samedi de 9h à 17h. Avec diverses animations, avec les légumes d'atelier pour l'atelier soupe, hein, de semer et cueillir, on pourra faire une soupe qui sera mise à dégustation l'après-midi. Les jeux en bois, si vous avez des enfants, avec le centre social, on aura deux concerts. Vous pourrez également faire de la pêche au canard, vous pourrez gagner des places pour le Futuroscope. Enfin, bref, un gros événement vous attend à Saint-Laurent-du-Pont, donc venez, on vous attend ce samedi. Merci beaucoup, Joanne, d'avoir pris quelques minutes pour nous parler de vous au micro de Radio Couleur Chartreuse. Merci beaucoup, merci à vous. Et puis bah bon Téléthon, bonne fête de fin d'année et puis bon entraînement pour l'an prochain. C'est gentil, merci beaucoup. À bientôt, merci, au revoir. À bientôt.